le méga plein air show avec Yves Laroche sur CGIT FM. Chronique CEPAC, cette semaine, est en compagnie d'Hélène Ayotte, qui est responsable des communications du secteur phonique. Bonjour Hélène, comment ça va? Ça va bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé, tous les deux, là. Oui, c'est vrai, ça fait un petit bout de temps. Ouais. Fait que je pensais que tu étais parti en vacances. Non, mais on va rattraper le temps perdu. Tu sais qu'à la période actuelle, il y a encore des gens au Québec qui n'ont pas planifié ou cédulé leurs vacances. Mm-hmm. Moi, je crois qu'il y a quelque chose à faire dans le réseau des réserves phoniques de la CEPAC. Hein? Je pense qu'il y a beaucoup d'activités que les gens peuvent pratiquer. Oui, c'est sûr. Écoute, puis pas juste dans les réserves phoniques, il y a les parcs nationaux aussi. La CEPAC, c'est une cinquantaine d'établissements. Là. Il y a 15 réserves phoniques, il y a des parcs nationaux, des centres touristiques. Chacun de ces établissements-là a une personnalité propre, mais on a partout les mêmes standards élevés, là, de la propreté, la sécurité, l'accueil, le respect de l'environnement. C'est très important pour nous autres. Alors, quand on choisit la CEPAC, là, on sait à quoi s'en tenir, on sait qu'on sera pas déçu. Et puis, les gens qui se demandent quoi faire, moi, je leur recommande d'aller faire un tour sur le site web de CEPAC parce que c'est un catalogue de vacances. Oui. Parce qu'en se promenant dans les pages, en surfant dans le site, là, c'est certain qu'on va trouver une bonne idée là, de vacances ou des idées pour aller jouer dehors puis découvrir de nouveaux endroits aussi. Il y a beaucoup de choses à faire dans le réseau CEPAC. Si on commençait par une activité quelconque, là, c'est quoi toi que tu me proposerais? Ben moi je sais que tu es pas mal maniaque de pêche. Un peu. Ah oui, je te parlerai de la réserve phonique des Laurentides parce que, je pense que tu le sais, ça fait partie du plus grand bassin de truites indigènes au monde. Et la qualité de pêche, elle reste excellente là, toute la saison à cause de l'altitude. Oui, oui. Et puis aussi, dans la réserve des Laurentides, il y a la grise, la pêche à la grise au lac Jacques-Cartier. C'est jusqu'au 30 août cette année. C'est nouveau, ça, hein? Oui, c'est nouveau que ça soit jusqu'au 30 août. Ça fait 3 ans qu'on l'offre en forfait. C'est sûr que, bon, ça prend une embarcation. Donc, on apporte son embarcation personnelle. C'est des chalets de 4 personnes à l'étape et c'est quand même, là, c'est un beau forfait. Je sais que dans les grands maniaques de pêche, la grise, là, est quelque part à un niveau privilégié. Oui. Et puis, on peut aussi parler d'autres espèces de poissons que la truite mouchetée. Il y a ceux qui préfèrent les eaux plus chaudes, là, comme le doré, puis le brochet. Dans les réserves phoniques Rouge-Matawin, Papineau-Labelle, la Vérandrie, c'est tous des endroits où on peut pêcher ces poissons-là qui sont quand même, en tout cas, quand on parle du brochet, très sportif. Ben oui. Et puis, ah oui, tu peux aussi pêcher le masquinongé dans la réserve de Portneuf. Ça, c'est jusqu'au 7 septembre. Donc, oui, pour la pêche, je pense que il y a pas mal de choses à faire. Puis, si je suis pas maniaque de pêche, il y a quelque chose pour moi. Je peux toujours te proposer de t'initier à la pêche parce qu'on a même un forfait prêt à pêcher qui est offert dans toutes les réserves phoniques. Et ça comprend l'équipement, l'embarcation, le chalet, les droits de pêche, bref. On parle-tu de canne à pêche, de leurre aussi? Oui. On parle d'un petit coffre à pêche, là, quand même assez bien garni. Le fil, le moulinet, la canne, la puise, tout ça. Là. Puis là, actuellement, il y a beaucoup de familles qui vont aller prendre des vacances. Avez-vous un forfait spécial qui s'adresse à eux? Oui. En ce qui concerne la pêche, on a le forfait pêche familiale. Là, c'est 436 pour toute la famille, 2 adultes et les enfants. Donc, c'est 3 nuitées en hébergement en chalet. Et si on ajoute une journée supplémentaire, c'est à peine, même pas 110 $ là, par jour. Donc, c'est notre forfait, mettons, numéro 1. Ouais. C'est-tu le forfait que ça inclut un barbecue, un canot et ou un kayak là aussi, là? Ben en fait, les barbecues puis autres embarcations que chaloupe, là, mettons, embarcation pour la promenade, qu'on dit, c'est dans les chalets qu'on offre en multiproduits. Ah, OK. Oui. Donc, c'est dans des chalets qui sont aussi offerts en villégiature simplement. Ah. Donc, c'est pour avoir un petit peu plus, que ça soit un peu plus attractif, là. OK. Puis, aussi, en parlant des familles, là, je voulais te dire une chose, c'est qu'on a récemment mis sur notre site web une page entière dédiée à la famille. Et là, on fait des suggestions pour les familles. Par exemple, actuellement, il y a l'Aquarium de Québec. Oui. Il y a des endroits pour faire la plage, la baignade, le prêt-à-camper, la Via Ferrata, que ça, c'est plus pour les ados, là, mais quand même, je sais, il y en a des familles avec des ados qui veulent encore sortir ensemble, puis eux autres, ça leur prend un peu plus de défis. Là. Ben c'est sûr. Et puis, je pense que la Via Ferrata, ça répond très bien à ça. Et, bon, on parle aussi du fameux forfait, là, dont je t'ai déjà parlé, de vacances familiales en ce que à 420$ par personne, à partir de 420 pour deux adultes et deux enfants. Là. Ça, c'est pour trois nuitées et c'est assez particulièrement intéressant pour la famille, disons. Et puis, dans les pages web aussi de plusieurs de nos destinations familles, parce qu'on a identifié dans tous nos établissements un certain nombre d'établissements qui sont plus des destinations familles. Oui. Alors, dans chacun de ces sites-là, on retrouve une page qui est consacrée à ce que ces établissements-là ont à offrir à la famille. Donc, ça peut être n'importe quoi. Là, tu sais, des fois, il y a des endroits, par exemple, où on a des petits bancs là, qu'on met dans les salles de bain pour que les enfants griment dessus pour se laver les dents. C'est tout des petits détails comme ça, mais dans l'avenir, on va en avoir de plus en plus. Donc, nous, on veut vraiment devenir là une place pour la famille, une destination de choix pour la famille. Donc, on continue aussi à développer des activités pour la famille et voilà. Mais tu sais que des fois, on pense que, ça va-tu marcher? Les familles vont-tu embarquer? Moi, j'ai discuté avec quelques directeurs de réserves fauniques et ils m'ont dit que depuis qu'on a fait des forfaits adaptés aux familles, c'est un succès sur toute la ligne. Oui, oui. Puis j'entends souvent parler aussi que les familles veulent avoir plus de forfaits, tout compris, là. Oui. Ça, on me le dit souvent, des journalistes me le disent, puis aussi les clients comme tels, là, on me dit, mais organisez-nous quelque chose, là, avec tout compris, là, qu'on n'aille pas à se casser la tête. Pourtant, c'est pas compliqué, et puis c'est ça qu'ils veulent, donc c'est de plus en plus ça qu'on essaye d'offrir. Là. Hélène, le temps file. Avant qu'on se quitte, là, pourrais-tu me dire s'il n'y aura pas quelque chose d'attractif ou d'attrayant comme par hasard des offres de dernière minute? Ah ben oui! Dans les offres de dernière minute, cette semaine, regarde, on parle de camping. C'est souvent comme ça, hein, que ça commence la passion pour la nature, amener les enfants au camping, c'est le fun. Et puis, on a là un tout nouveau camping à l'Île-Gros-Bois qui ouvre le 17 juillet. Mm-hmm. Ça, c'est dans le parc des îles de Boucherville. On pense que ça va être très, très populaire parce que les gens des régions vont vouloir s'héberger à ce camping-là pour visiter Montréal. Et les gens de Montréal vont vouloir visiter l'endroit puis aller au camping parce que c'est en pleine nature, puis on a souvent l'impression que la nature est loin de Montréal, là, mais quand on va là, c'est vraiment... Non, c'est pas mal près. Ouais, et puis, bon, dans les offres de dernière minute, il y a aussi la Tyrolienne double au parc de la chute Montmorency. Ça, ça mm-hmm. ouvre le 25 juillet. Là encore, c'est une activité là pour les ados, pour ceux qui cherchent la poussée d'adrénaline. C'est une belle traversée de l'Anse, la chute Montmorency, là, de 300 mètres. Il y a aussi la villégiature, hein, tu sais, tout le monde voudrait avoir un chalet, mais tout le monde a un chalet à la CEPAC. Il s'agit juste qu'ils choisissent lequel ils veulent au moment où ils en veulent un, c'est tout, c'est à eux, c'est à tout le monde. Ah oui, je vois qu'il y a une nouvelle promotion aussi pour la pêche. C'est 25% de rabais pour la plupart des forfaits de pêche. Donc, pour en profiter, on utilise le code promotionnel pêche-25 mm-hmm. dans presque toutes les réserves phoniques et aussi dans 6 parcs nationaux. Alors, si tu veux mon mot de la fin, j'invite les gens à se promener dans le site web de la CEPAC, c'est cepac.com, et c'est certain qu'ils vont trouver les vacances qui leur conviennent. On te remercie infiniment, Hélène, et puis on invite justement les auditeurs du Méga Plein Air Show à aller magasiner leurs vacances sur le site cepac.com, puis toi aussi, tu mérites des vacances, là. Merci. OK, à une prochaine. Bye. C'était la chronique CEPAC. Ne quittez pas, on poursuit le Méga Plein Air Show dans quelques secondes.